m'élever. Partir très haut dans les nuages, être un oiseau, pouvoir m'enfuir et oublier ce paysage. Et je m'envole dans ma tête, et je voyage en première classe, et je m'envole dans ma tête, et je voyage en première classe. Je m'envole dans ma tête.